Thank you.

Thank you. faire une chanson qui t'a. Comme un gant, comme un bas, de celles qui font bouger la taille et fredonner tout bas. Oh, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Aïe, aïe, faire une chanson qui taille. Je peux plus vivre avec toi, avec une chanson qui donne dans la voix. Une chanson dans la voix. Faire une chanson qui t'aille. Oh, qui taille comme un gant, comme un bas, de celles qui font bouger la taille et fredonner tout bas. Oh oui, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Aïe, aïe, faire une chanson qui taille. Thank you. Come on, yeah.